Je suis un gros pédé. C'est dégueulasse, mais c'est la vérité. Chercher le caca dans la poubelle, mais je m'encule encore. Là j'en avais vraiment marre les mecs, alors je l'ai jeté par la fenêtre du 7ème étage, direct dans la grande poubelle de l'immeuble. Et putain, un quart d'heure après, putain, je suis descendu cul nu, le cul plein de merde, cul nu, devant la concierge qui m'espionnait. J'ai vidé la poubelle, la grande poubelle de l'immeuble, tous les voisins qui gueulaient, j'ai trouvé mon god, et je suis rentré chez moi, et je me connais comme un taré à ratard, le sale pédé. Un truc de fou les mecs. Je suis collé toute la nuit. J'ai laissé de la merde et du sperme sur les murs. Et putain, j'ai oublié de rincer le code plein de jus de poubelle. Et il y avait même des fourmis au fond de mon gros cul, putain. Maintenant, je peux même plus m'asseoir, je peux même plus me coder. Comment vous voulez que ça marche d'être pédé, hein? Ça m'étonne pas qu'il y ait tellement d'hétéros frustrés. Putain, j'en ai marre. Faut que je me fasse un remède pour arrêter ces trucs de pédé, putain. Sentir le sperme pourri comme une vieille femme. Et si t'arrives pas à bander, j'ai de la coke, j'ai du